c'est mal un crédit, justement dans ce système de compréhension multiple qu'on peut avoir du lien qui est lié avec le prêteur. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu disais à la fin aussi sur qui est pour et qui est contre les fichiers positifs. Est-ce qu'on a des avis de... Enfin, que disent les organisations de consommateurs, etc. C'est plus la crainte du fichage. Parce qu'on pourrait penser, par rapport à ce que tu disais, qu'un certain nombre de clients se diraient c'est bien, comme ça, si mon historique il est bon et qu'il est public, je peux aller n'importe où. Enfin, et j'imagine qu'on ne trouve pas tellement ce type de discours-là. Non, ou... les associations de consommateurs, mais en fait... Bon, il y a la crainte du fichage et puis il y a aussi la crainte de l'explosion du marché du crédit qu'on a pu voir en Belgique par exemple. Donc tout à coup, justement, il y aurait du mailing, enfin, toutes les offres préacceptées qui arriveraient dans les boîtes aux lettres. Et donc on dirait aux gens, puisqu'on aurait dans les fichiers, madame machin peut aller jusqu'à 25 000 euros. Donc elle recevrait des tas d'offres de 25 000 euros de partout qu'elle accepterait et ça pourrait augmenter son revenu. Ce qui est d'ailleurs, je pense, un argument qui est apporté toujours aux députés pour leur dire vous ne le faites pas. Mais inversement, ceux qui veulent développer disent mais justement ça développera une solution. Bah, il y a la concurrence en fait, parce que c'est... Enfin, c'est intéressant, un marché sur lequel les appels à la concurrence et à l'entrée de petits acteurs ne marchent pas dans le contexte actuel. Mais la concurrence est aussi étrangère. Oui. Oui, c'est ça aussi. L'UFC est quoi, en fait, c'est ça, les fichiers. Oui, enfin, toutes les associations. Il y a une association, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas, l'article. En revanche, j'ai lu, parce que j'ai vu l'article où il y a des fichiers, c'est que la Poste qui envisage de proposer des crédits. Et donc, effectivement, ce que tu disais, les banques installées disent non, il n'est pas question qu'on donne nos données, nos fichiers. Oui, c'est pour ça que les banques étrangères ont du mal. HSBC, par exemple, quand ils ont été installés en France, ils ont été obligés d'acheter des banques. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir des sources d'informations, sinon c'est quasiment impossible d'entrer dans le marché. Alors, comment expliquer, dans un marché mondialisé de l'argent, etc., c'est l'incroyable prégnance de ces différences nationales entre les États-Unis et la France d'abord, entre la France et la Belgique d'autre part. Est-ce qu'on peut avoir autre chose qu'une explication culturaliste ou on reste dans une explication culturaliste ? Des explications juridiques. Alors, qui sont de quel... De droits qui sont très différents. De construction des marchés. La façon dont les marchés... En France, le fait que les banques aient été nationalisées, je pense, a beaucoup joué dans le fait qu'elles aient été protégées aussi, que leur marché était bien limité. Nadège Vézina, par exemple, elle montre bien que la Poste... on a empêché la Poste de faire des crédits à la consommation, justement parce que les banques étaient nationalisées. Et donc, il y avait des ministères qui se battaient entre le ministère des PPT et le ministère du Trésor pour chacun son territoire. Alors que la façon, je connais mal l'histoire économique américaine, mais la façon dont le marché s'est construit était beaucoup moins centralisé. Et très vite, il y a eu ces crédits de bureau qui avaient l'information, et donc il n'y a pas eu ce passage par l'État qui est toujours très fort en France. Après, il y a par exemple l'Espagne, qui est un cas intéressant où ça a été très longtemps très fermé, et le Portugal font la même chose, et puis tout à coup, plus rien. Et là, c'est aussi l'histoire du libéralisme qui a convaincu que c'était la meilleure façon de faire. Et du coup, il y a eu très vite la crise en Espagne et en Portugal. C'est aussi une crise de surendettement beaucoup plus forte en France. Et pourtant, il y a un État quand même assez fort. Oui, mais qui a, enfin, là aussi, je ne sais pas les détails, mais qui a libéralisé le secteur très très vite. Alors en France, pourquoi ça ne s'est pas autant libéralisé? Je pense vraiment que l'histoire de la nationalisation et de tous les liens entre les banquiers et le pouvoir a limité cette libéralisation. Et c'est intéressant de reprendre une histoire un peu longue de ça. Enfin, tu avais déjà regardé ce qu'avait fait Alain Chatriot aussi et tout. Mais parce que l'histoire des crédits de bureau, c'est bien avant toute problématique de nationalisation. Et qu'en revanche, cette histoire que l'endettement c'est mal, c'est quand même juste une invention du XXe siècle, et du second XXe siècle, je pense, enfin, à ce point-là, etc. Et manifestement, ça ne se passe pas de la même façon aux États-Unis. Là, c'était vraiment intéressant, Josh Lower. Peut-être tu peux le discuter avec lui, même si tu n'avais pas pu venir l'écouter. Mais où justement, on construit l'idée que ce qui est important, c'est d'avoir un bon historique de crédit, mais ce n'est pas un problème d'avoir du crédit. Et ce qui me faisait penser à Josh, c'est que tu évoques dans ton texte les liens avec l'éducation sociale et familiale, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais home economics. Mmh. Et il racontait très bien les liens aussi entre le développement d'une culture du bon crédit, mais qui est une culture du crédit quand même, et le développement de home economics aux États-Unis au début XXe siècle. Et donc ça devient après un facteur culturel, mais ce qui est très intéressant, c'est pourquoi ces cultures elles se construisent différemment dans les deux pays, qui a effectivement ces conflits de normes que tu évoques, etc., qui, bon, non seulement sont peut-être pas les mêmes aux États-Unis aujourd'hui, mais qui étaient clairement pas les mêmes en France tout le temps, puisque avoir des crédits, c'était juste la norme, et voilà. Et notamment sur l'histoire du mot crédit, quoi. Tu l'évoquais, avec les cartes de crédit comme élément statutaire, c'est aussi un très beau parallèle avec le fait que pendant longtemps, avoir du crédit, c'était dans les deux sens du terme, Et comme on ne prête qu'aux riches, si tu as beaucoup de crédit, c'est que tu es très riche et très fiable, etc. Donc je pense qu'il y a un truc au XXe siècle sur ce renversement de l'image du crédit qui est lié aux banques, qui est lié à la bancarisation de la société, à la nationalisation des banques, à plein de choses, que moi qui ne suis pas intimiste, je ne comprends pas, mais qui m'intéresse. En même temps, quand on regarde le Québec, il y a un livre de Gérard Buen, La vie à crédit sur le Québec. Alors lui, bon, c'est très culturaliste pour le coup, mais il explique qu'au Québec, il y a les banques qu'il appelle françaises et les banques qu'il appelle américaines, et qu'elles n'ont pas du tout les mêmes cultures, les mêmes façons de prêter, et que les banques françaises ont mis très longtemps à accepter de prêter pour des choses qui n'étaient pas de l'investissement ménager, des choses vraiment sérieuses, et qu'encore maintenant, elles sont beaucoup plus réticentes que les banques américaines à faire tous ces prêts. Et en même temps, comme quand même c'est le marché américain, les banques dites françaises, si on regarde leur site, elles ont 50 cartes de crédit différentes, elles sont loin d'être. Et dites françaises, c'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire en fait les banques québécoises, catholiques, notamment la grande banque coopérative, c'est la Banque des Jardins. Parce que je me demandais justement le facteur religieux quand même, pour pas sortir du culturel, mais ça c'est assez fascinant, le fait qu'il y a. Finalement, c'est un peu la thèse du texte, c'est que finalement la contrainte financière, on a l'impression qu'elle ne joue pas tant que ça, puisque tu as des très riches et des très pauvres. Même si sans doute que quantitativement, quand même, il y a plus de très pauvres que de très riches, mais je ne sais pas. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre élément qui lie ces gens-là ? Et si on sort des variables classiques, de la socio-économie, on va dire ça comme ça, de la sociologie économique, de contraintes, etc. Est-ce qu'on pourrait, chercher... Alors, religion, mais ça doit être compliqué en France, parce qu'on n'a pas de variable, j'imagine... composition de la famille, ville-campagne... Est-ce qu'on peut tester le poids, essayer de trouver s'il n'y a pas un dénominateur commun de ces gens-là qui ne sont pas, du coup, juste sur riche-pauvre? Bah, je pense que tu as. Enfin, moi, ce que j'essaie de voir, mais c'est vraiment micro, mais espèce de carrière d'apprentissage de ces crédits. Et justement, dans les antécédents familiaux. Parce moi, je vois très bien comment, moi qui suis une grande utilisatrice de crédit, maintenant tout le monde le sait dans le séminaire, puisque je n'arrête pas de raconter toutes mes expériences. On va pas le dire. J'ai été élevée avec l'idée qu'il faut vivre à crédit, que c'est bien parce que. Vraiment, c'est un truc de... Et je me demande si... Mais ça, est-ce qu'il y a des moyens de le tester autre que le micro, hein, de voir s'il y a des... Je ne l'ai pas du tout fait. Mais... Parce que les enquêtes, c'est toujours des choses super classiques. Mais ouais, c'est ça. Que c'est des femmes, que... En général, avec charge de famille, l'image... C'est plutôt que la famille, c'est pas les très pauvres. Parce que les très pauvres... Ils n'ont pas accès. Donc c'est plutôt classe moyenne, quand même rationnelle, qui va faire un peu ses comptes, qui sait jusqu'à combien on peut aller sans dépasser le budget. Et puis quelques très riches, Surtout parce que là, il y a un biais qui est que l'entreprise que j'ai regardée est dans des grands magasins très haut de gamme. Mm-hmm. Du coup, ça renforce le fait que les gens bien vus étaient plutôt très riches. Mm-hmm. Et donc là aussi, c'est des femmes aussi parce que c'est des grands magasins. Et c'est des femmes parce que c'est lié initialement tous ces crédits-là à des cartes qui vont avec des vêtements ou ce genre de choses. Mais après, parce que t'as l'inverse, t'as des gens qui ont été élevés dans le crédit, qui prennent des crédits, t'as des gens au contraire qui disent mes parents ils se sont privés toute leur vie, vraiment ils sont insupportables et moi j'ai lâché. Ou au contraire, j'en avais une dont le père était surendetté, qui avait toute sa vie galéré pour rembourser ses dettes et qui ne voulait jamais avoir de crédit. Enfin, donc c'est un peu difficile à quantifier ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment pas. Mais eux, les établissements, ils ne font pas des études, parce qu'ils auraient tout intérêt à bien connaître ceux qui sont susceptibles ou pas de prendre. Donc, il n'y a pas des... Bah, pas de ce type-là. C'est vraiment, je te dis, c'est des trucs très classiques. Mm-hmm. Après, il faut des études, savoir comment les gens l'utilisent, pour quel, comment faire pour qu'ils l'utilisent plus. Mais sur la famille, tu as juste la profession de pardon. C'est interdit de demander la religion. Oui, en France, c'est interdit. Oui. Alors qu'aux États-Unis, bon, je ne sais pas si c'est inclus dans ces bureaux de crédit, mais sans doute on peut le voir avec l'emplacement des gens par rapport aux communautés, aux églises, etc. Mais je crois que c'est une question intéressante. Moi, ça me fait penser au travail de The Meaning of Money de Zelizer. Oui. Qui a vu l'évolution, mais je trouve que de voir comment cette volte-face du bad credit il y a un proverbe qui circulait, je l'ai lu récemment, un proverbe chrétien qui parle de la dette, que c'est l'esclavage, alors que maintenant c'est l'évolution de la dette, c'est la liberté. Donc de voir un peu comment ça comment évolue. Il y a un étudiant, il a fini sa thèse récemment, Mike Easterly à UCLA avec Naomi Lamoureux, j'étais aussi partie du comité, qui a essayé de tracer la période avant Josh Lauer pour les États-Unis à New York, quand ça a commencé avec l'évolution du crédit, ça a évolué avec des créditeurs qui ont fait qui donnaient du crédit sur le salaire. Donc c'était individuel et ils venaient quand le débiteur ne payait pas, le créditeur venait se manifester physiquement au boulot parce que c'était lié, c'était stable, c'était un revenu fixe, etc. C'est très intéressant de voir comment ça a évolué avec le crédit de consommation, avec les meubles en tant que sécurité et la diversité que ces créditeurs avaient dans le marché en vendant des l'évolution du pawning system, les magasins de, comment on appelle ça, d'anéantissement. Non, de surgage. Mise en gage, voilà. Qui sont liés pour ces systèmes informels, mais par la suite, dans la période après que Josh Lauer examine, c'est carrément ça devient courant. Mais alors que c'est loan sharks, on disait, de New York, parce que Mike Easterly a travaillé sur la ville de Manhattan en particulier. Reconverti avec ces bureaux d'information, etc. Mais moi, je me demande quand on compare cette dérégulation aux États-Unis de ce marché avec ce qui se passe en France, par exemple, il y a toutes ces contraintes pour démarrer une entreprise en France, pour un capital, tout ça, alors que, et puis quand on fait la banqueroute, c'est la fin. Donc c'est comme il n'y a plus de chance. On peut pas, il n'y a pas le droit à l'erreur. Alors qu'aux États-Unis, c'est 7 ans, et puis après on recommence. Donc c'est comme avec ces lois, je crois que tu as tout à fait raison de voir comment ces lois influent les décisions qui sont faites, parce que c'est comme si mais moi je trouve ça super fascinant de voir comment ça a évolué de manière très récente ici. Mm-hmm. Je me demande si ça n'a pas à voir avec ces contraintes qu'impose le gouvernement. Ouais, je pense aussi qu'il y a la question de l'épargne. Oui, qui est très liée. La façon dont on a l'épargne. Et donc, l'éducation financière des ouvriers, ça a été quand même beaucoup, la crise d'épargne, d'économiser les sous les uns après les autres. Et ça a peut-être été dans le sens de faire que le crédit est apparu comme un échec. Mais ça, aux États-Unis aussi, les choses que j'ai vues expliquent qu'il y a eu un basculement, que l'épargne est partie en donc il y a eu aussi un changement. L'épargne a perdu sa splendeur pour être remplacée par le crédit, qui peut lui-même apparaître comme une forme d'ascétisme et de régularité. Et ça, le crédit en France n'a jamais eu cette. Enfin, en tout cas, dans la période récente, mais jamais présenté comme quelque chose de bien, où on se dit, ah, c'est bien, pendant 20 ans, il faut bien rembourser tous les mois son crédit, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est jamais présenté comme ça. Et déjà, dans les années 60, enfin, les travaux, il y a un truc de bon Dieu, je pense que Chambord et Dumont en 63, sur le crédit, où ils disent, il y a un éthos de l'épargne en France, il n'y a pas d'éthos de crédit. Enfin, il y a des éthos, mais il n'y a pas d'éthique. Mais, disent-ils, étant donné que le crédit se développe, bientôt il va y avoir une éthique du crédit, c'est-à-dire un corps de doctrine bien unifié. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que finalement il n'y a plus d'éthos de l'épargne, enfin d'éthique de l'épargne, mais pas d'éthique du crédit. Enfin, il n'y a un peu plus rien, mais c'est aussi pour ça que les banques ou les organismes de crédit jouent vraiment sur toutes les fibres possibles de la morale, où un coup on a l'air de dépenser mais pour eux, et après oui mais non on n'est pas pour surveiller, lutter contre le surveillement. Et finalement, enfin, c'est très flou et localisé et ça peut changer vraiment. Même la même personne, dans la même conversation, peut avoir des positions éthiques complètement différentes. Parce que finalement, il n'y a plus vraiment de stabilité, de normes de ce qui est bien avec l'argent. Et en même temps, il y a toujours un aspect très moral. Ça, je ne sais pas si c'est comme ça aux États-Unis, s'il y a vraiment un désencastrement total, où il n'y a plus aucune morale autour de l'argent, chacun fait ce qu'il veut. Je dirais, oui. Même après la crise, il n'y a pas une prise de conscience ou un changement, il me semble. Mais bon. C'est dommage, il n'y a plus de prison d'endetté. Oui, c'est une des questions que je me posais, toute la symbolique du fait que c'est mal le rapport à la prison pour dette, à l'huissier, etc. Mais bon, en fait, ça existe. C'est vrai que c'est pas sous les mêmes formes, puisque dans les autres pays, en général, les huissiers sont pas des officiers ministériels, etc. Mais bon, concrètement, quand ils arrivent dans ta maison, c'est un peu pareil. La prison pour dette, elle a été abolie à peu près partout en même temps. Enfin, ça fait pas une vraie différence d'expérience culturelle entre les pays, quoi, qui expliquerait. En fait, le processus de saisie, il est autant menaçant ou aussi peu menaçant en France qu'aux États-Unis, quoi. Il est plus menaçant en Russie, d'après ce qu'on a vu. Mais si tu fais banqueroute, tu vas en prison, ici. Non, et puis même sur le droit à l'erreur, en fait, c'est pas vraiment comme ça. Enfin, c'est vrai que a priori, la loi américaine est plus protectrice des débiteurs, mais enfin, je pense que c'est de moins en moins vrai, d'ailleurs. Mais c'est dépénalisé depuis la loi bancaire de 84, la dette. La banqueroute, ouais. Ah, oui, la dette, en général. Mais enfin, le processus de faillite, légalement, en France... Les gens aussi faisaient faillite et refaisaient faillite, etc., même au 19e siècle. Mais c'est vrai que culturellement, c'était pas forcément vu de la même façon qu'aux États-Unis ou en Angleterre non plus. Donc ça n'empêche pas que cette culture-là, elle vient peut-être d'un droit plus ancien, mais c'est intriguant. C'est intriguant. Ouais. Et pourquoi on a un gouvernement qui pense que la dette, c'est mal tout le temps, en général Pour l'État, je veux dire. Oui, mais. Non, parce que là, comme ils s'endettent de plus en plus, mais ils n'arrivent pas à sortir de ça. Mais c'est non, cette hypothèse du lien entre banquier et État est intéressante. Ouais. C'est vrai, peut-être que c'est ça. Le banquier énarque et tout ça. Ouais. Le, le type de recrutement des élites économiques, c'est-à-dire cette. Ça permettrait d'avoir. Parce que sinon, les explications, moi, elles ne me convainquent jamais, quoi. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Donc, c'est une vraie bizarre, question ouverte. Ouais. J'arrive pas à comprendre la différence. En effet, je ne crois pas que les systèmes légaux soient si différents que ça, finalement, en pratique. Alors, il y a des décalages temporels. C'est-à-dire que la carte de crédit aux États-Unis, dans les années 80-90, tout le monde avait ses cartes de crédit et payait avec 50 000 cartes de crédit. Moi, je ne comprenais même pas le fonctionnement. Je me souviens, quand j'allais aux États-Unis, je me disais, c'est quoi? Comment? Mais c'est pas, ça c'est juste une histoire de décalage, alors qu'on voit là quand même des modes de fonctionnement qui sont vraiment, vraiment différents. Et c'est, Oui, mais quand est-ce qu'en France, tous les salariés ont eu un compte bancaire? Oui, 70, c'est une grosse question, oui. Enfin, 70, ouais, c'est 78, avant, je crois. Avant, tu touchais ta paye à la semaine, tu avais même 3 sous si tu... À la 15, si, sur la caisse d'épargne, effectivement. Oui, oui. Puis bon, après, c'est un problème. Peut-être une des choses qu'on peut étudier, c'est effectivement le passage au salariat. C'est une autre grâce, quand même. Et même en campagne française, effectivement, il y a recours au crédit pour. Pour de quelle façon Et puis, Par contre, c'est vrai que là, sur l'histoire de c'est pas clair parce qu'on ne sait pas quel est l'intérêt, etc. Là, c'est intéressant d'avoir la comparaison historique parce que ce qu'a vu Claire sur Lens, par exemple, enfin, compte ouvert. C'est pas clair non plus l'intérêt. Hein. Enfin, l'historique du crédit pour les gens ordinaires, on va dire, du type compte ouvert chez les commerçants, ils n'ont jamais eu d'idée de qu'est-ce que c'était l'intérêt, qu'est-ce que c'était le délai, quand est-ce qu'on rembourse exactement, c'est pas non plus. Donc finalement, c'est peut-être aussi normal que le crédit marche comme ça. Et puis ça ne joue pas beaucoup sur le choix de prendre le crédit. Parce que voilà. On Bah, c'est ça, ouais. Et là, je pense qu'il faut faire attention avec le fait que là, aujourd'hui, justement, les gouvernements essayent d'imposer des normes de transparence, de déclaration d'intérêt, etc., avec l'idée que c'est naturellement ce que veulent les consommateurs et qu'un bon système de crédit ne pourrait pas fonctionner autrement. Parce qu'en fait, historiquement, enfin, à la fois aussi pour les histoires de contournement de l'usure, et puis aussi juste parce que le crédit sur livre, c'est pas un prêt avec un taux d'intérêt comme une banque aujourd'hui. C'est pas un modèle qui est dominant, qui est nécessaire au fonctionnement du truc. Enfin, il y a eu un travail idéologique pour dire que déclarer le taux d'intérêt, c'était important, quoi. Mais ça, c'est l'association de consommateurs aussi, qui ont demandé de pouvoir comparer. Ouais. Et en général, de toute façon, les paris bancaires sont incomparables. C'est toujours la plainte récurrente depuis très longtemps, donc on ne peut pas savoir comment choisir sa banque parce qu'on ne sait jamais quoi ça a coûté. Et donc, faire que le TEG, etc., soit indiqué, c'est une façon de dire, comme ça, on va pouvoir créer. Ouais. Mais évidemment, en face, on n'a pas un consommateur qui serait libre, qui pourrait simplement... Qui aurait plein de choix. Non, mais surtout, cette transparence, elle est illusoire au sens où tu ne maîtrises pas l'inflation, par exemple. Donc, en effet, c'est vraiment une norme. Et je pense que c'est vraiment intéressant comme remarque de dire que c'est une norme et que du coup... faut pas la prendre comme faut le prendre comme une norme étatique et qui correspond à un truc, mais qui n'est pas forcément la norme de fonctionnement de plein d'autres types d'utilisateurs du crédit. Enfin, disons que le fait qu'ils construisent du flou, comme tu dis, est intéressant, puisque eux, en plus, consciemment, ils ont réfléchi en marketing, ils construisent du flou, mais pour les gens, ce flou est peut-être normal, en fait. Enfin, pas ceux qui sont dans les associations de consommateurs, etc. Mais... Non, parce que quand tu commences à parler avec les gens, c'est hyper drôle pour leur demander s'ils trouvent que les choses sont chères ou pas chères. En fait, les façons d'évaluer ce que ça leur coûte sont très très différentes. Je me rappelle justement sur ces microcrédits, c'était 5% de taux. Et il y a des gens qui avaient des crédits à 15-20% et qui disaient, mais qui se... c'était jamais demandé comme effet, et puis disait ah non, 5% c'est vraiment beaucoup. Et enfin, donc il n'y avait vraiment aucune, c'était pas ça avec ça qui comptait. C'était un des trucs qu'expliquait Timothy Guinan aussi quand il racontait l'année dernière son truc sur la fondation c'était Rockefeller, donc qui luttait contre les loan sharks justement et qui voulait imposer des crédits qui en fait étaient usuraires en eux-mêmes mais avec un taux fixe et transparent quoi. Et pour eux, c'était la définition du progrès, c'était que enfin le pauvre il puisse emprunter certes à 40%, mais en sachant que c'est à 40%. Et enfin voilà, c'est des gens à un moment donné qui ont décidé que c'était important que le consommateur le sache, et ça fait partie d'une construction normative aussi. Oui, et ça c'est tous les débats sur les crédits pauvres. Ouais. Oui, parce que sur le microcrédit c'est pareil aussi. Ouais. Souvent c'est des taux super élevés. Oui, j'avais une question plus méthodo sur comment, en sociologie, utiliser ces types de représentations, en fait, comment ça passe. C'est-à-dire qu'on voit ton texte, il est à la fois, il y a des entretiens, et dans le topo, tu fais beaucoup de... Comment ça se... Je me demandais si... parce que Josh Lauer, il l'a fait beaucoup, lui, et en histoire, on peut dire que c'est assez assis. En sociologie, j'ai l'impression que c'est moins... Ce type d'argumentation par rapport à des publicités, etc., comment ça... Enfin, en tout cas, moi, dans mon idée sur ce chapitre-là, les publicités me plaisaient beaucoup et donc j'avais très envie de les mettre. Mmh. Et en même temps, c'est... Surtout, enfin, il y en a tellement que tu peux jamais le faire systématiquement. Donc il y a aussi un côté... ça peut toujours être attaqué parce qu'on peut toujours sortir une qui dit l'inverse. Après, je l'ai appuyé par des entretiens. D'accord, c'est comme ça que tu l'as construit en fait. Du coup, c'est une question que j'ai posée aussi aux gens que je rencontrais pour savoir si c'était quelque chose de conscient chez eux, cette question de la discrétion. Voilà, mais de toute façon, en sociologie, la question de la preuve est toujours. Toujours un peu local, donc selon. Là où j'ai fait ma thèse, c'est pas un problème, mais ça pourrait être ailleurs. Oui, c'est marrant que tu évoques la question de l'extrait par rapport à la masse, parce qu'elle se pose de la même façon pour les entretiens, mais bon, comme c'est un problème pour tout le monde, on le. Oui, Et tu as essayé d'avoir, enfin, ou tu as eu des entretiens avec les gens vraiment responsables du marketing ou de la pub, hein. Parce que du coup, c'est effectivement, tu en parles moins. Pas de la pub. Ouais. Parce que la pub, en fait, c'est des agences de pub. Ouais, c'est ça. C'était encore une autre enquête. Mais les gens du marketing, effectivement, parce que eux, ils font beaucoup de ce qu'ils appellent des groupes. Et là, ils disent. Tu les mets dans une salle, puis tu les payes et puis tu vois comment ils réagissent par rapport à tes trucs. Et donc, par exemple, ils font venir 15 personnes qui sont 15 clients, ils disent qu'il y a un crédit parmi vous et personne ne répond. Oui, c'est tu observes des gens, là, des vite teintés. Il y a une personne du département qui anime la soi-disant la réunion et en fait, c'est observer ou alors maintenant peut-être filmer et on voit comment ça se passe. Et sur tous les produits, enfin vachement de trucs sont testés. Les instituts de sondage, on les connaît pour la politique parce que mais c'est rien dans leur chiffre d'affaires par rapport au marketing qui en fait leur ramasse énormément d'argent pour après la Sofres et tout. À l'époque ils faisaient ça sans arrêt, hein, le département marketing. Donc en plus ils disent c'est pour un sondage, tu vois, donc il va très. Mais du coup, ça produit aussi des données intéressantes en sciences sociales par rapport à un sondage, quoi. Mais elles sont pas utilisées. Comment les réutiliser, c'est... Parce que, ouais, c'est... On pourrait pas l'objectiver, sinon. La discrétion, je m'autorise aussi à le faire, parce que c'est vraiment hyper généralisé. J'en ai des dizaines des extraits, des photos, des choses comme ça. Sur, par exemple, les photos de cartes de crédit, ça aussi, c'est pas des choses qui sont... Et ça, justement, c'est quand même pas lié au fait aussi que ces cartes, avant, si je me souviens bien, tu avais la carte Cofinoga et tu avais trois personnes la prenaient sinon. Alors que maintenant, il y a eu la carte Cofinoga, c'est quand même American Express, il y avait certains commerçants, en gros, des grands magasins qui acceptaient ça. Alors que le fait que le look change, ça correspond aussi au fait que tu peux tirer de l'argent avec ces cartes de crédit. Donc, c'est pas uniquement... Ça falsifie le fait que c'est... Mais c'est aussi que la pratique fait que maintenant, ces cartes servent exactement comme des cartes de crédit bancaire, enfin, de ton compte. Oui, ils ont développé... Et du coup, tu peux payer partout avec ces cartes. Oui, parce que c'est lié soit au réseau cartes bleues, soit au réseau bancaire. Voilà. Donc, au terminal... Alors qu'avant, la fameuse carte Kofinaga que tu montres, il y avait le BHV, tu pouvais aller acheter ta machine à laver qu'au BHV, parce que justement, à Darty, ils ne la prenaient pas, Kofinaga. Mm-hmm.